إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون فقد علمتم أننا في هذا المسجد وفي هذا الأسبوع نقوم بضيافتكم لدورة علمية وقد ذكرت أن من أعظم فوائد هذه الدورات أن يجتمع المسلمون أو مسلمان. Vous savez certes que ici dans cette mosquée durant cette semaine nous vous invitons à participer à un séminaire et j'avais dit précédemment que parmi les plus grands profits de ce genre de séminaire, le fait que les musulmans se réunissent. وَهَذَا يَا إِخْوَى مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et cela, oh mes frères, fait partie des principaux fondements de أهل السنة والجماعة, les gens de la sunna et du groupe. وَهَذَا لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو كذلك شرع من قبلنا. Et cela n'est pas spécifique à la communauté du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, mais cela concerne aussi les communautés précédentes. Est-ce que vous pouvez avancer, barakallahu fikum? Il y a des frères qui arrivent encore. Et il y a aussi de la place du côté gauche. الله تبارك وتعالى دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. Il vous a légiféré dans votre religion ce que nous avons enjoint à Nuh et ce que nous t'avons révélé. ووصينا به Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Et ce que nous avons aussi enjoint à Ibrahim, Musa et Isa, établissez la religion et n'en faites pas une cause de division. Ayyuha al-muslimun al-muta'ammilu fi shari'atina yudriku إدراكا جازما أن هذا الشرع يحثنا على الاجتماع. Ô musulmans, celui qui médite sur les textes de la législation comprend clairement que cette législation nous appelle à l'union. فانظروا إليكم أنتم من إخواننا. Regardez donc votre situation, nos frères. فمن إخواننا من جاء من المغرب ومن جاء من الجزائر ومن جاء من السنغال ومن جاء من فرنسا. Il y a parmi nos frères ceux qui viennent du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de France. فكلكم مجتمعون في ساعة واحدة لإقامة عبادة واحدة. Et vous êtes tous unis à un instant, à un même moment, pour accomplir un même acte d'adoration. فتأملوا في هذه العبادات التي شرعت لكم. Alors méditez sur ce genre d'adoration qui ont été légiférées pour vous. فيجتمع المسلمون كل يوم خمس مرات. Les musulmans se rassemblent tous les jours cinq fois. فيتناصحون فيما بينهم. Ils se conseillent mutuellement. ويخرج المسلم الزكاة فيعين أخاه الفقير. Le musulman va s'acquitter de l'aumône obligatoire. Il va donc aider son frère, le pauvre. وهذا من الاجتماع. Et cela fait partie de l'union. ويصوم المسلمون كلهم في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد. Les musulmans vont jeûner à un même instant et ils vont rompre le jeûne à un même instant. وهذا من الاجتماع. Cela fait partie de l'union. ديننا يحثنا على الاجتماع. والحج. Et le Hajj, le grand pèlerinage. من أكبر الأمثلة على الأمر بالاجتماع. Fait partie des plus grands exemples montrant l'ordre de l'union. فالمسلمون يأتون من بلاد مختلفة. Les musulmans viennent de pays différents. لأداء منسك واحد. Pour accomplir un seul rite, un même rite. En un même lieu, à un même moment. فديننا يحثنا على الاجتماع يا أيها الإخوة. أخرج البخاري ومسلم عن أم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب من أصلح بين الناس. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon أم كلثوم que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas le menteur celui qui réconcilie les gens. Celui qui réconcilie les gens n'est pas le menteur. Ta'ammalou, méditez. El kadhibu kabir. Le mensonge est extrêmement blâmable et grave. Wa qad dhakarna fi khutubin madat an al kadhib min awsaf al kafirin. Nous avons cité dans des khutbas précédentes que le mensonge fait partie des caractéristiques des mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Certes, seuls ceux qui ne croient pas au verset d'Allah inventent les mensonges. Et donc le mensonge ne fait pas partie des caractéristiques des musulmans. Walakin lamma kana hadha ar-rajul yurid an yusliha bayna al-muslimin lam yusaf bil kadhib. Cependant, lorsque cette personne voulait réunir et réconcilier des musulmans, alors il n'est pas caractérisé comme étant le menteur. Fayara muslimaini mutakhasimain. Il voit des musulmans qui sont en conflit. Alors, il va voir l'un d'entre eux. Il lui dit faqad jalastu ma'a khasmik. Je me suis assis avec celui avec qui tu es en conflit. وَذَكَرَكَ بِخَيْرِ. Et il a fait des éloges sur toi. Il t'a cité en bien. يَنْوِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ قَبْلَ الْخُصُومَ. Il a l'intention par cela, le fait qu'il l'a cité en bien avant le conflit. فَيَذْهَبُ إِلَى الْآخَرِ جَلَسْتُ مَا خَسْمِكَ وَهُوَ يُحِبُّكَ. Il va voir l'autre et lui dit, je me suis assis avec celui avec lequel tu es en conflit. Et il t'aime. فَلَا يُوصَفُ بِالْكَذِبِ. بل قال بعض العلماء أن من قصد الإصلاح بين المسلمين لا يوصف بالكذب مطلقا. Certains savants ont dit que quiconque cherche à réconcilier les musulmans dans son acte n'est pas considéré comme étant un menteur. فتأملوا في هذه الشريعة. Alors méditez sur cette législation. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا أيها الإخوة أن المؤمنين موصوفون أو مأمورون بالصدق. Nous avons vu les frères que les croyants, il leur est ordonné d'être véridiques. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô ceux qui ont cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Parole de notre Seigneur. فنحن مأمورون بالصدق. Il nous a donc ordonné d'être véridiques. ولكن لما كان هذا الرجل بصدقه ينقل الأخبار بين الناس لقصد الإفساد بينهم لم يوصف بالصدق. Cependant, lorsque la personne, tout en étant véridique, va rapporter des informations d'une personne à une autre, en cherchant à diviser les musulmans, alors à ce moment-là, on ne le décrit pas comme étant véridique. وَإِنَّمَا يُقَالُ عَنْهُ نَمَّمْ. Cependant, nous disons de lui que c'est un colporteur. Il rapporte des informations à droite et à gauche pour diviser les musulmans. فَسِدْكُهُ لَمْ يَنْفَعْهُ. Alors, son caractère véridique ne lui a pas profité. لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَ تَحُثُّنَا عَلَى الْإِجْتِمَاعِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. فَتَأَمَّلُوا فِي هَذِهِ النُّصُوصِ. Alors, méditez sur tous ces textes. وَأَخِيرًا أَذْكُرُ لَكُمْ حَدِيثًا عَنْ أَبِي أَيُوبٍ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère au-dessus de 3 jours, plus que 3 jours. فوق ثلاثة أيام. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. Ils se rencontrent les deux. Alors celui-ci se détourne et celui-ci se détourne. Il ne se passe pas le salam, il se boycotte. لا يحل لكم. Cela ne nous est pas permis. لأن شرعنا يحثنا على الاجتماع. وقد يسأل سائل لماذا لم ينهى عن الشرع عن الهجر مطلقا. Il se peut qu'une personne s'interroge: pourquoi est-ce que le prophète n'a pas interdit le boycott totalement? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné 3 jours? لأن الشريعة تراعي ضعف النفوس وأنها قد تنفعل فلا تزال منفعلة فلا تكون مهيئة للسماح. Car la législation accorde de l'importance et la législation fait attention aux faiblesses. Car notre Seigneur, il sait que nos âmes, elles peuvent être furieuses. Nous pouvons être furieux. Quelqu'un nous a fait une injustice. Alors, nous sommes touchés par la colère. Et nous ne sommes pas prêts, en cet instant, pour pardonner, pour excuser. La législation fait attention à cela. Alors nous avons 3 jours, jusqu'à ce que le calme vienne. Au-delà de cela, la yajouz, il n'est pas permis. Alors méditez sur tous ces textes. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا الْمُسْلِمِينَ. Et ne soyez pas de ceux qui divisent les musulmans. يُفَرِّقُونَ صُفُوفَ الْمُسْلِمِينَ. Qui divisent les rangs des musulmans. وَاجْتَمَعُوا وَاسْتَفِيدُوا مِنْ إِخْوَانِكُمْ. Et profitez de vos frères. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُوَحِدَ صُفُوفَنَا وَأَنْ يَجْمَعَ كَلِمَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُعَلِّمَنَا مَا جَهِلْنَا وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ. إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.